bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, je te le confirme, je critique les foules, je suis avec toi, Crowd, je m'amuse, je trash, je body surf. Oui, des fois je suis à côté de toi et des fois je suis par-dessus ta tête. Ce sera peut-être le cas cette semaine parce que il y en aura de l'amusement de foule avec cette 8e édition du Pouzza Fest. Je crois que depuis que j'anime à SCISM, non, je te confirme encore une fois que j'ai toujours fait une critique de Crowd du Pouzza depuis que j'anime à SCISM. C'est un événement que je chéris beaucoup. C'est un bel événement rassembleur qui se passe pendant 3 jours durant le mois de mai. Effectivement, ça vient juste de finir et on s'en remet tranquillement avec tous nos bleus et peut-être nos courbatures et peut-être l'abus de poutine et de pizza. Je ne sais pas comment tu vis ton pizza et si tu y étais. Alors, je te rejase bien longuement. Des moments spéciaux, mais moments marquants. Alors, ce sera sans chronologie parce que, hé là là, qu'il y en a des bennes à voir. Il y en a 150 après tout. Alors, peut-être potentiellement les critiques de Gilbert et les amis de Tom, de Type Tides, du Creepshow Real Big Fish, du Pouzza Bambino avec les costauds. Oui, j'ai partagé du plaisir crowdien avec des enfants. Ah, c'est certain que je vais vous parler de Barn Burner parce que c'est vraiment le coup de cœur pour moi du Pouzza. Comme à chaque année, je vais voir Brutal Youth, un de mes groupes préférés. Sinon, j'ai fait aussi un tour à Cancer Bats. Il y avait Obey the Brave juste avant. Ah, y a de la musique, du bruit, de la magie. Et justement, en parlant de musique, on va aller en écouter tout de suite. Ils étaient en écoute exclusive sur le site de CISM. Déjà, il y a quelques temps maintenant, il est accessible partout. Je parle bien de Valérie Vaughan avec leur album du même nom. On s'en va écouter Brian Imo. J'espère que tu apprécies. C'est quand même courte chanson de Valérie Vaughan. Allez écouter l'album au complet sur la plateforme de votre choix ou en écoutant abondamment CISM. Clairement, vous allez en entendre d'autres chansons. Vous écoutez Critique de Crowd qui va te jaser tout le long de cette émission du Pouzza Fest. Aïe. je suis toujours heureuse de passer autant de temps à butiner dans Montréal. Je crois que c'est quand même l'objectif du Pouzza de se promener en ville d'une salle à l'autre puisque ça comporte 5 salles, une scène extérieure qui s'appelle le Jardin des Bières. Et sinon, ben, tu peux butiner entre les foufles, la terrasse des foufles, les catacombes, le Midway avec la salle. Oh mon Dieu, l'an passé, je la trouvais pas la salle, puis j'ai compris pourquoi. C'est faux que tu passes par la ruelle, tu sais, là, le néon qui est marqué bar. C'est là. Fait que pour les prochaines années, vous serez au courant si vous étiez aussi perdu que moi. Et finalement, au Café Cléopâtre. C'est une belle façon de redécouvrir notre beau Montréal, de passer du temps dehors avec les différentes activités. Yoga, méditation, punk, le Pouzza Bambino, la game de balle molle ou tout simplement apprécier son punk. Il faut dire la programmation de la scène extérieure. Depuis qu'il y a une scène extérieure au Pouzza, parce que ça a bien évolué comme festival, on va se le dire, je trouve que la programmation est très forte, elle est gratuite, alors ça donne toujours des shows nécessairement excellents pour la crowd. Là, les gens sont en feu, c'est vraiment magique. Pluie, pas pluie, parce que oui, samedi, ça mouillait, mais pour moi, ça a zéro paru dans l'ambiance. Si j'aime autant le Puzza, parce que faut dire, oui, est-ce que le punk va bien? On pourrait se questionner sur le sujet sans fin. Là, je pense que on aime beaucoup se demander si le punk est mort, fait qu'on aime ça savoir s'il ressuscite, s'il perdure. On aime savoir tenter le pouls du punk et savoir son état de vitalité. Question variété, peut-être qu'on pourrait se questionner justement à faire, les groupes, ils reviennent souvent d'une année à l'autre. Et pour moi, ça devient quasiment un plus parce que tu les redécouvres à chaque année, puis tu peux créer des affinités avec les fans, avec les bands qui vont aussi voir les shows. Je trouve que c'est là qu'on trouve l'énergie, oui, d'une communauté, ne serait-ce qu'une communauté durant la fin de semaine, qu'une soirée. Il y a, oui, le phénomène rassembleur vient aussi du fait qu'on peut revoir certains groupes année après année, et comme j'ai mentionné en tout début d'émission, comme avec Brutal Youth, que j'ai eu l'occasion de voir au moins 3 fois en 3 ans, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Puis oui, je trouve qu'il y a l'aspect humain qui est bien. C'est vrai que tu peux butiner en solo et faire peu de rencontres, mais les gens sont cordiales, souriants. Je trouve que c'est sympathique. Dans le trash, il y a beaucoup d'entraide. Alors pour moi, il y a aussi cet aspect-là de communauté et que l'événement soit aussi rassembleur. Nouveauté, c'est une table ronde sur les femmes en musique. Ça avait lieu direct en partant de festival dans le hall du Club Soda. Alors, étaient réunies, entre autres, Hélène McCoy, une des cofondatrices du Puzza Fest, Shauna Potter, qui est la chanteuse de War on Woman, qui est aussi la cofondatrice d'un programme Saver Space à Baltimore, de où est né aussi le groupe. Et le tout comme pour objectif de rendre les salles les plus sécuritaires pour tous les spectateurs et spectatrices. Et ensuite, Dorothée Parent-Roy, qu'on connaît pour Vulvette. Et il y en avait du monde. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Honnêtement, je suis arrivée à, comme le veut l'habitude, en retard, et c'est vraiment pas à mon avantage. Je pourrais pas vous faire une si grande critique de crowd de ces tables rondes, puisque elle devait durer 2 heures. Je pense qu'elle durait un petit peu plus qu'une heure avec les questions, le jasage après. Et ouais, je suis arrivée vraiment tard, parce que déjà, je suis rentrée au Midway. Je pensais que c'était là que ça se passait en premier. Je pense qu'il y a un petit changement de salle. Et en voyant des gens manger beaucoup trop nonchalamment des mac and cheese, ben, j'étais comme, OK, on est vraiment pas à bonne place. On était loin de militantisme. C'était un peu trop détendu et peut-être bourgeois. Fait que ouais, là, j'ai réussi à trouver la porte cachée, parce que c'était pas la porte d'entrée à ta droite du Club Soda, mais plutôt la porte que d'habitude tu sors. Ah, le monde était à l'envers. Alors, ça a été quand même... Oui, pour le peu de temps que j'y étais, là, il y avait une bonne énergie. C'était rempli. On sentait déjà que l'année prochaine, ça allait être un angle davantage abordé, que ça allait prendre plus d'ampleur dans les prochaines éditions, le fait de parler des femmes en musique. Déjà, l'année dernière, il y avait une soirée au Fouf qui avait beaucoup de groupes avec des filles. Il y a encore beaucoup de filles dans la programmation en tant que musicienne. Alors, oui, on voit l'importance, puis qui se concrétise même à la scène extérieure, au Jardin des Bières. Oui, il y a des tables de merch, puis il y a de la bouffe, puis il y a des poudzas. Mais il y a aussi une table de la maison d'édition PM Press. Alors, si tu voulais mieux te renseigner sur le punk ou le courant anarchiste ou divers sujets qui, oui, correspondent à la communauté et à la culture punk, mais tu pouvais acheter de ces 10 bouquins. Alors, c'est bien agréable. Ben ouais, je veux dire, pour ceux qui viennent de loin, ça te fait une petite lecture de retour quand tu pars de Montréal. Et pour moi, ça vient aussi dans une continuité de vouloir s'affirmer un peu sans être moins festif, parce que je crois que c'est la base aussi du festival, c'est vraiment qu'on s'amuse, mais qu'il y ait une tendance plus politique que seulement dans les paroles des musiciens, parce qu'en même temps, ça a toujours été un événement inclusif, tu sais, dans le sens où c'était peut-être un peu plus implicite, la valeur sociale et politique, mais là, on le voit par certaines petites activités qui le sont vraiment plus affirmées, fait que je trouve ça très, très beau. Hey! On va parler du Théâtre Sainte-Catherine. Je sais pas à quel point, comme festivalier, tu peux passer très vite à côté des petites salles comme justement le Café Cléopâtre ou le Midway. À suivre. Mais puisque je parle du Puzza, évidemment, il fallait que je fasse un lien avec la pizza. Pizza Skateboard de Mom Jeans. We'll be right back. trouve qu'ils n'ont pas assez de chansons. J'ai revu sur Internet. Mais oui, Mom Jeans qui avait enregistré toutes les chansons qu'il avait faites à l'Impérial de Québec. Mais bon, la qualité n'est peut-être pas au rendez-vous pour la passer à la radio, mais je vous le suggère bien fortement parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tunes. Aïe, aïe, aïe. Et sinon, ben oui, t'écoutes Critique de Crowd. Qui va te passer ben du punk cette semaine? Tu me diras, cher habitué de l'émission, que c'est comme d'habitude. Ah, presque. Alors voilà, oui, je t'ai dit que je te jaserais du théâtre Sainte-Catherine. Peut-être que c'est là où ça mettait pour moi en relief les différents types de festivaliers qu'on peut croiser au Pouzza. Comme je vous ai parlé de la scène extérieure et les Gretis, il y a des gros ben. Alors, il y a certains types de festivaliers qui vont justement rester juste là. Et tant mieux, je veux dire, ce serait bien drôle de pas en profiter. Ensuite, oui, t'as les festivaliers qui ont décidé de prendre la passe, puis là, qui vont se promener d'une salle à l'autre. On se croise bien sur chaque coin de rue, Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Alors, je trouve qu'il y a déjà cet esprit-là, même en allant d'un spectacle à un autre qui se poursuit avec le Pouzza. Et de ces festivaliers-là qui s'amusent d'une salle à l'autre, je dis s'amusent, puis des fois, dépendamment les bands, c'est drôle, mais j'avais quand même la sensation qu'ils trashaient pour trasher, mais c'est pas nécessairement négatif, dans le sens où peut-être que pour un show qui aurait pu être plus tranquille parce qu'on a moins de sentiment d'appartenance avec le groupe, qu'on est un peu plus distant, mais que ça amène un esprit de fête et que ça bonifie le spectacle, parce que finalement, c'est des gens qui pour une grosse fin de semaine, veulent juste comme avoir un gros trip punk. Mais des fois, peut-être musicalement, peut-être avec la mentalité des groupes, je pourrais pas dire, mais des fois, ça faisait un petit peu décalé. Tu sais, tu te dis, ah, il me semble que tel type de mouvement fitait un peu moins avec la musicalité, comme danser le ska, là, où c'était pas... où ça fitait pas vraiment. Fait que, ça crée un petit décalage. Est-ce négatif? Est-ce déplaisant pour la moyenne des gens? Je pourrais pas dire. C'est juste que, je sais pas, pour moi, je le ressentais quand même. Autrement, ben, écoute, que Théâtre Sainte-Catherine, c'est tout petit, c'est tout coquet. Moi, je trouve que c'est une belle salle et c'est aussi un lieu où on peut faire quand même bon nombre de découvertes durant le Pouzza Fest, mais là où on peut aussi sentir une ambiance d'inside joke, étant donné que, oui, des fois, ça va être des groupes qui... Mon Dieu, là, c'est le moment assez ISM, tu sais, dire émergent et relève, je trouve que ça n'a pas tant sa place. Mais, ou des bands qui commencent, ou juste comme ils n'ont pas encore un gros fanbase. Peu importe l'explication, parce qu'il y avait aussi bon nombre de groupes des États-Unis qui jouaient aussi au Théâtre Sainte-Catherine, c'est juste qu'ils n'ont pas encore connu à Montréal, par exemple. Reste que c'est ça. Des fois, tu le sens. Et des fois, c'est littéralement dit. C'est tes amis qui sont venus voir à ton spectacle. D'où le fait que l'inside joke, elle est littéralement là. Puis, il n'y a pas juste ça. Le fait aussi qu'il y a certains groupes qui sont bien honorés d'être au Pouzza, d'être de la programmation, je trouve qu'ils vont appuyer beaucoup ce point-là par leur communication avec le public. Ils vont beaucoup remercier la présence des gens, mais on est là pour ça, voir des bands. Alors, c'est vrai que c'est gentil, puis c'est vrai que c'est bien correct aussi de remercier les gens d'être présents, mais de l'appuyer beaucoup, on dirait que ça montre comme une pensée derrière tout ça, comme si tu t'attendais qu'il y avait vraiment personne à ton spectacle. Ou même, encore une fois, de mentionner comme « Hey, on est donc bien nombreux! » Alors, encore une fois, ça montre le fait que peut-être que tu t'attendais pas à réunir autant de gens. Ben, au final, apprécie-le, mais c'est vrai que pour moi, ça montrait un petit décalage en tant que spectatrice. Je pourrais pas... Ouais. J'ai eu l'occasion, durant le théâtre, durant mes visites au Théâtre Sainte-Catherine, de voir Brand New Lungs. Et j'ai commencé mon Pouzza Fest avec Gilbert et les amis de Tom. C'est vrai qu'on n'était pas encore très nombreux, puis c'était vraiment au tout début du festival, un vendredi. Il y en a qui ont peut-être pas encore fini de travailler, fait que le temps d'arriver au festival, c'est des fois un peu moins de time pour le groupe, mais c'est vraiment là aussi que j'ai senti ouais la camaraderie, parce que c'est vraiment ton chemin. Ben, il y avait un petit trachouillage, tu sais, deux trois gars qui vont sauter, ils tournent en rond, puis ils vont se pousser, mais de là à dire que ça va amener d'autres gens à trasher par-dessus tout ça. Non, même que... quand je dis camarade, tu sais, je bouille des fois avec Critique de Crowd, juste de déduction. Mais d'autres fois, tu fais comme, bah, c'est assez évident. Comme quand un des deux trashers, pendant qu'un des gars, il attache ses souliers, il donne une claque ses fesses. Ah, ben ça, c'est le genre de mouvement qui est un mouvement d'amitié parce qu'il est contre-intuitif. Non, tu donnes pas des claques des gens... Oh, des claques des fesses, les gens. Oui, pas les gens des fesses. Donc, Fallait pas inverser la phrase, Jolène. Mais ouais, tout le monde aura bien compris qu'on claque pas les fesses de n'importe qui, sinon on appelle ça du harcèlement. Mais que quand c'est ton ami, ben c'est un mouvement contre-intuitif parce que tu peux te permettre quelque chose que tu ne ferais pas aux autres parce que c'est ton ami, puis il va faire ha ha ha, c'est drôle, tout autant qu'il soit encore consentant. Tout le monde a bien saisi la démarche. Fuck, on voit justement l'amitié qui plane et ça va même jusque dans les interactions. Le chanteur, il a fait signe à un des gars, un des trashers, de s'approcher pour lui faire un câlin. Oh, cute! Quoi qu'après ça, faire des câlins à toute sa foule, ça pourrait être intéressant. Ouais, je vous le suggère, crowd. Ce sera à suivre pour l'affection sur scène durant le Poudza. J'ai bien hâte de vous en reparler. Mais reste que l'amitié, c'est pas juste supporters et cheerleaders, là, si je peux le dire, parce qu'il y en a qui peuvent quand même être plus intenses ou un peu show-off, même en tant que spectateur, parce qu'il y a un gars qui a déchiré son T-shirt. On est comme le vendredi 5h, début de Poudza, t'as déjà plus de T-shirt. Mais il avait l'air fort heureux d'avoir déchiré son T-shirt parce qu'il faisait une veste pas de manche. Il était... Il était vraiment content, le gars. Il a tiré la langue de joie. Il était comme... Rah! Il se prenait aussi peut-être un peu pour Hulk. Alors, c'est un peu pour tous ces petits moments-là qu'on sent... Ouais, une proximité plus grande que simplement entre un groupe et un spectateur et qu'il y a oui, l'amitié qui prédomine, mais autrement, ouais, j'avoue que c'est ça, à ces moments-là, peut-être qu'en tant que spectatrice, je me sentais un peu moins investie parce que je faisais pas partie de l'inside. Par contre, quand ils ont fait une blague sur « Hey, on va-tu entendre du Motorhead » et que le bassiste, qui est aussi le chanteur, a commencé à en jouer, mais non, il a joué du Céline Dion finalement, en changeant les paroles, ben c'était un moment ouais, peut-être plus rassembleur parce qu'on a les référents communs de ces artistes-là et c'était assez inattendu, improvisé, sympathique parce que c'est là où vient aussi la difficulté, je trouve, de pas tomber, tu sais, dans... J'aime ça les spectacles où c'est bonne franquette, mais quand c'est trop bonne franquette, c'est là où justement on peut voir la distance entre les gens que tu connais et ceux que tu connais pas. Puis moi, tu iras peut-être pas nécessairement chercher de nouveaux spectateurs parce qu'on sent pas qu'on est inclus dans la démarche. Mais non, au final, mon Lued m'aura bien eu. Oui. Fait que bonne idée. Continue de faire des reprises comme ça de façon spontanée entre tes chansons. C'est, ouais, ça, j'ai bien apprécié. Sur ce, ben écoute, on va en écouter. C'est ma chanson préférée de Gilbert et les amis de Tom, Motel de Gatineau. À l'école, quand je dors, je pense à des billes de drum. Lève la tête qui décolle de la bave et la mort. J'ai mis chaud, power chord, 15 watts de pure extase. Dans ma tête, j'avais fait table rase. J'ai passé par une fosse. Premier riff, première tune, avant ma première blonde. Ma famille, mes amis dans ce long fucking monde. Le tournoi de baseball était tombé à l'eau. Des cartoons sur l'acide, motel de casino. Sur son album Profane, vous avez entendu Gilbert et les amis de Tom et la chanson Un motel Gatineau. Je crois que... J'espère que je l'ai bien décrit, mais... Mais ouais, le Pooja, c'est... Mais ça, c'est fait aussi pour découvrir, t'sais, à 150 bands, si t'es connais toutes, ben, je te félicite, ou ça prouve que t'es vraiment fan du genre. Mais autrement, pour moi, en tout cas, c'est le cas. Nécessairement, je me promène d'une salle à l'autre et des fois, j'ai vraiment aucune idée à quoi je vais assister. Et bon, des fois, ça peut... Bon, oui, juste être une simple découverte musicale sans que ce soit un grand moment crowdien. Et d'autres fois, ça peut être... Ouais, d'autres fois, ça peut être l'inverse. J'ai en tête The Raptides, qui est un groupe d'Ottawa qui existe depuis 98. Et dans la crowd, il s'est passé quelque chose. Bon, déjà, en partant, le chanteur, il a trouvé que son pit devait pas être à son goût parce qu'après, comme une chanson, première chose qu'il fait, il s'en va dans la foule puis il s'en va pousser son monde. C'est fort efficace. Quand tu trouves que le moche pit allait pas assez fort. Quoique, il l'a fait à deux reprises puis des fois, je me demande à quel point ça aurait été efficace. Il y avait quelques gens qui dansaient. C'est vrai qu'il trouve qu'il y avait certains élans rock'n'roll dans sa musique et pas nécessairement juste hardcore, là. Fait que il pouvait avoir cette variété-là pour danser, même si il y avait un gars qui était bien penché, là, 90 degrés, en faisant des ronds, là. On sentait qu'il voulait délimiter le circle pit ou tout simplement le mosh pit. Mais là, ouais, il y a eu quelques trashers. Disons que comme ça, j'aurais trouvé que c'était un spectacle bon, plus ou moins normal, là, tu sais, pour un show punk. Les gens se poussent, mais il n'y a pas 10 millions de personnes qui participent non plus. Ben correct. Jusqu'à ce qu'un des fans, oh mon Dieu, prenne vraiment beaucoup de place. Au début, le chanteur, il fait chanter, je sais pas si c'est lui, là, ma mémoire. Il fait chanter un gars dans le micro. Là, j'étais au deuxième étage des catacombes, fait que j'avoue que c'est le moment plus ou moins douteux où je vois le gars chanter, mais le chanteur, il avait penché son micro, mais comme à l'entrejambe. Fait que ouais, avec mon angle, c'était quand même un peu particulier comme, comme façon de lui tendre le micro. Ouais, je te laisse l'imaginer. Reste que, là, il y a le fan que je t'ai déjà présenté, mais tu ne sais pas encore ce qu'il a fait si tu n'étais pas au spectacle de Raptides. Au début, il monte, puis il va prendre le micro, puis il chante. Mais il chante vraiment longtemps, puis il est même retourné sur scène. Et là, il s'était pas juste prise du micro de chanteur sans pied de micro. Là, c'était vraiment... comment dire? Il a décidé de prendre la place. Il était debout avec le pied de micro, puis il chantait vraiment longtemps les chansons. Pour de vrai, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai comme... Est-ce que c'est un membre du band puis il avait pris un break dans foule pendant une longue durée du spectacle parce qu'il avait ses aises? Et ça doit être aussi le fait, parce que c'est quand même, oui, récurrent dans les shows hardcore que les gens viennent voler le micro, veulent chanter, ils montent sur scène pour chanter, mais qu'ils fassent aussi longtemps qu'ils soient le seul, c'est là que ça devenait vraiment un moment particulier. Je sais pas comment le band, il dealait. Des fois, j'avais des doutes sur « il trippe-tu, il trippe pas », mais en même temps, ils l'ont laissé faire tout le long. Alors, je crois surtout que c'était un fan très fervent. Et pour un groupe qui existe depuis 98, le gars, il était quand même jeune et il connaissait beaucoup les paroles. Alors, là-dessus aussi, je trouvais que ça rajoutait comme un plus à cette anecdote de crowd. Hey, le Pooja Fest... C'est aussi beaucoup de choix. Non, mais je me dis, les punks, tu sais, ils peuvent avoir la pensée nihiliste, mais tu peux pas l'être. Faut que tu prennes des choix. Il faut que tu sois décidé et affirmé dans la vie, surtout au Pooja, parce que tu vas manquer des bands que tu voulais voir, conflit d'horaire, gestion de temps. Alors, je n'ai pas vu Brutal Chérie, mais ça me tentait bien d'en passer avec la chanson Je ne suis pas comme tous les autres, parce que, ouais, le fan de Raptides, il n'est pas comme les autres. Now, just to find a good result. Brutal Chérie sur les ondes de CISM. Après les publicités, plus de poussettes, plus de pluie et surtout plus de bisous. Oui, oui, tout de suite après, Critique de Crowd, après les pubs. Avec Podcast qui présente le spectacle de son dernier album Effets spéciaux à Montréal le 24 mai prochain, cabaret La Tulipe. Billets en vente au admission.com. Effets spéciaux est aussi en vente et disponible partout. Applaudissements. Qui est libre? Visitez-le avecpodcast.com pour tous les détails. Voir un classique en famille sur écran géant? Quoi de mieux pour commencer sa journée? Présenté au cinéma du Parc les samedis et dimanches matin à 10h, découvrez Matin au Parc, une nouvelle série de films qui conjugue classique et perles rares pour petits et grands. Matin au Parc, le rendez-vous matinal pour la relève des cinéphiles. Une des plus grandes stars du hip-hop est de retour sur scène. La tournée K.O.D. vendredi le 5 octobre au Centre Bell. Avec invité spécial, Young Thug. Shake on me, buddy. Billets en vente dès maintenant. Appelez au 1-855-310-2525 ou sur eventco.ca. Les Franco de Montréal célèbrent leurs 30 ans en grand dans le cadre de la série Tout en chanson, La Presse Plus à l'Astral, Voyez. Mara Tremblay et les chansons de son nouvel album Cassiopée. Les deux buzz de la musique francophone Hubert Lenoir et Angèle. Le rappeur franco-rwandais Gaël Faye. Et beaucoup d'humour et pas mal de musique avec Guy Aydré et Daniel Grenier. Billets en vente au francomontréal.com. Présenté par Bell en collaboration avec l'Auto-Québec, en association avec La Presse Plus et CISM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Voilà le titre de cette jolie chanson de Jésus les filles qui sont en lancement drette ce soir à l'ESCO. Ben oui, ils vont souligner la sortie de Daniel. Et vous écoutez toujours la Critique de Crowd qui vite, parce que sinon elle va manquer de temps pour te parler de Mosh Pit. Te fais quelques suggestions de shows à voir. Il y aura du punk pour tous ceux qui ont encore envie de revivre une petite suite du Puzza Fest et bien de l'agrément pour les métalleux. Mais... pour tout le monde, avec podcast ce soir au La Tulipe également. Vendredi, oh là, par exemple, j'avais pas mentionné l'électro, mais c'est le cas! Gasly joue au théâtre Fairmount samedi. Ah! Oui, je suis bien excitée. C'était un cri de... C'était un cri de joie, c'était peut-être pas clair. À l'Astral, Devastation on the Nation, grosse tournée avec Aborted, Ingested et oh, beaucoup trop d'autres noms de bands que je vais toutes défraire, mais je vais bien les prononcer direct la semaine prochaine. Et surtout, surtout, oui, Aborted, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais dans les bands, il y a Venom Prison, j'adore la chanteuse, j'ai hâte de les voir en vrai. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils viennent en Amérique du Nord ou au Québec, parce que c'est un groupe UK, alors bien à suivre. Dimanche, ben oui, je pense à toi, Punk, parce que Pennywise vont être au MTLUS, et sinon, tout doucement, il y aura les jolies chansons de Carl-Éric Hudon, un autre lancement qui se passe au Quai des Brumes pour une jolie, jolie, jolie cassette. Tout est beau depuis tantôt. Alors, d'autres jolies bandes, mais qui sont quand même plus dans le power metal. Hammerfall au Fofone électrique. Tout aussi joli, mais peut-être tout ensanglanté, mais surtout n'aura pas lieu. Bloodbath! Alors, voilà, c'était ton billet. Arrange-toi pour ne pas y aller et pleurer des larmes de sang. Alors, t'es hors de Corona, pas de Bloodbath mardi prochain. Et finalement, je te suggère bien fortement, parce que c'est commencé du 23 mai au 7 juin, c'est le FTA. J'aime beaucoup ce festival. Je sais pas si je vais avoir le temps d'y aller cette année, mais une programmation très variée. Alors, explorer crowd. Sur ça, on va continuer avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Je crois que Simon Bolduc s'attendait pas que cette chanson se retrouve sur le palmarès francophone de CISM, puisqu'il a laissé en très peu de temps ses chansons de Balmol, mais voilà, elles sont si bonnes qu'elles se retrouvent dans le palmarès. Alors on s'en va entendre de Bolduc tout croche, qu'arrive le beau temps, ce sera suivi de Slinky Canif. Qu'arrive le beau temps, qu'on aille se lancer la balle dans les champs. Comme c'est long un printemps, comme c'est long un printemps, à regarder dormir son gars. Demain il annonce 30 cm de neige toute blanche. Qu'arrive le soleil, pour que le mois d'avril ne soit plus pareil. Le sol est encore gelé, avec nos manteaux d'hiver, on est encore habillés. Qu'arrive le beau temps, qu'on aille se lancer la balle dans les champs. Dans les yeux, le verbe au moteur qui claque à grincer qu'on est heureux. On a vu passer des hivers, puis des tempêtes, même en été. Un cyclone dans le verre, un tsunami dans le gosier. Égrener nos chapelets, mes galops jusqu'à poussière. Des gens, toutes sortes de projets qui goûtent les poches, les fonds de bière. C'est avec les marches de chez vous, on les monte à genoux. Sauf une chaque soir à quatre pattes, c'est parce qu'on vit dans un zoo. seule fois où je t'ai senti en vie. La dignité aux objets perdus, à faire des ans sur le trottoir, à gueuler fuck tout, joue plus. Leur avenir agonise, d'ailleurs il est presque mort. Qu'à présent faut que je lâche ma job, je veux mettre les chances de mon bord. Passe mon dépouille déployée du bas d'un pont. Va mieux qu'une vie en banlieue, en fond fini par carton. Avec les marches de chez vous, on les montait à genoux. Quand tu disais si je te dis je t'aime mon chum, c'est pas parce que je suis sous. C'est vrai, la sobriété, ça nous a jamais plu. Mais quand c'était pas propre en dedans, le hijack sauvait nos culs. Mais c'est aussi efficace que se défenestrer d'un rez-de-chaussée. Ben, soigne un cancer à grand coup d'acétaminophène dans le nez. Même si j'ai gagné ton âme sur une gageure de brosse, qui est tout double sur ma vie, même je t'ardonne si j'en passe. Les marches de chez vous, on les montait à genoux. C'est 70 rue des Nids derrière la maison des fous. Chaque soir à quatre pattes, c'est parce qu'on vit dans un museau. Ouais, les marches de chez vous, on les montait à genoux. Tu disais si je te dis je t'aime mon chum, c'est pas parce que je suis sous. Ouais, les marches de chez vous, on les montait à genoux. Les gens sains d'esprit, mérite, vive les folles, vive les fous. Vous venez d'entendre Les marches de chez vous de Slinky Canif sur leur album Voyou. Et sinon, vous avez aussi entendu Bolduc tout croche et la chanson hein, Qu'arrive le beau temps avec cette série de trois chansons sous la balle mode introuvable sauf sur les ondes de CISM. Alors, l'album devrait s'appeler Bonne saison de balle toute la gang, mais bon, vous ne trouverez point sur les internets. Et oui, Internet, c'est fort pratique pour voir le reste du palmarès, CISM893.ca, ou aussi pour donner de l'amour ou sur la page Facebook de Critique de Crowd, mais aussi, hey, Astor, je suis techno, là, j'ai Instagram, j'ai un courriel, tu vas me dire que ça, c'est moins techno et que c'est quand même plus conventionnel. Mais c'est toujours agréable de te lire, Crowd, mais le plus agréable par-dessus tout, c'est surtout de te croiser dans la foule. Et durant le Pouzza Fest, j'ai eu l'occasion, alors je vous remercie, vous êtes bon aussi de... ne spotter Critique de Crowd aussi rapidement. Je salue Junior durant Real Billy Fish. J'étais comme, oh, mon Dieu, il m'a bien reconnu. C'est bien drôle. Et je pense que je suis comme encore plus énervée que vous. Genre, je suis comme, oh, mon Dieu, vous êtes bien cute. Fait que voilà, ça vaut la peine d'aller voir des spectacles et de tous saluer parce que voilà, la crowd est toujours plus petite qu'on pense. Sur ce, ben, quel lien je vais faire. Mais oui, elle est petite, la foule, durant le Pouzza Bambino. Ben oui, c'est destiné aux enfants. Alors, jeu gonflable et une petite scène vraiment montée pour l'occasion avec devant des coussins caribous pour pouvoir bien s'installer toute la famille. Mais c'est vraiment en mode poussette et chill. Parce que c'est bien relax. Tu sais, tu collationnes. Ah! Collationner. Je sais pas toi, Crowd, mais moi, quand j'étais petite, mon père me disait souvent, comme collationner. Jolaine, veux-tu collationner? Les 3 heures, veux-tu une collation pour collationner? Je trouve que c'est un verbe sous-utilisé, puis il est si charmant et si simple et si efficace. Collationner! Fuck! Il y avait beaucoup de collations parce que oui, le spectacle était comme à 11h30, tu sais, juste avant le dîner qui était peut-être un peu retardé avec le spectacle. Beaucoup de ballons aussi, parce qu'il y avait des Ninja Turtles, mais... Non, c'est pas elle qui est gonflée finalement, mais bref, il y avait des petites ballons gonflées pour mieux fêter. Et en même temps, je me disais, heureusement qu'ils sont pas à l'hélium. Je crois qu'il y aurait eu des drames. Tu sais, non, ma ballon, maman! Et là, on parle de Ninja Turtle, et là, on aurait tué des tortues avec des ballons envoyés en l'air, perdus à tout jamais, et qui se retrouvent dans les océans. Puis là, on aurait été très triste. Tandis que là, non, c'était juste, la ballon est perdue et elle traîne dans le gazon. On va la retrouver. Dans pas long, hein, c'était pas... c'était quand même pas si grave. Et quand je dis éviter un drame, ben ouais, c'était... Quand je dis relax aussi, parce qu'il y avait pas de broyage, ce n'était que de l'amusement et des enfants. Moi, Je suis venue en solo, et ça, ça veut dire pas de poupon ni de petit, grand, moyen enfant avec moi. Alors, déjà, je me sentais... Je me sentais intrus, mais je me suis dit, sur toutes ces années, j'ai fait le yoga, j'ai fait comme différentes activités du Pooja qui sont offertes, puis j'avais toujours pas exploré le Pooja Bambino. Ben, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Oui, j'ai croisé un bébé que je devais rencontrer depuis des mois. C'est le bébé de David, ancien animateur de CISM qui animait Punkzilla, tu vois, les punks se réunissent toujours, ils se réunissent au Pooja Fest. Fait que ouais, ça a été une très belle rencontre avec un futur grand punk. Il est dédié pour une grande carrière, ça c'est certain, puisqu'il était déjà bien intéressé par le spectacle. Je sais pas, lui aussi, il était bien concentré sur sa balloune. Puis c'est là que... Critique de Crowd est bien habitué de te parler de chaos sur les ondes de CISM, mais là, je te dirais que c'est le genre de chaos. Je suis pas trop habituée. Parce que... Le spectacle n'est pas si accessoire dans le sens où les gens applaudissent. Mais de là à dire qu'ils regardent de façon concentrée le spectacle, non. Comme je viens de dire, on collationne, on joue avec un ballon, on se promène, on se fait des nouveaux amis. Des fois, papa ou maman va nous amener en avant de la scène pour faire comme « Regarde le groupe, c'est les costauds! » Et ils étaient, fort agréables à regarder avec leurs vêtements colorés, un peu kitsch, mais pas... dans le fond, ils étaient kitsch. Avec leur reprise du Club Dorothée, Pac-Man, Goldorak, mais le merguez Party. Je sais qu'il pogne pas mal en France en ce moment. Je dis, c'est pas comme, ah mon Dieu, c'est la grosse fureur en France, mais comme, il y a une certaine attraction vu qu'ils font des reprises de chansons qui peut-être touchent plus les Français que les Québécois, mais étant donné que c'était très catchy avec la musique déjà préfaite avec leur laptop, la guitare-clavier, ben oui, je crois que c'était accessible autant pour les enfants et pour certaines chansons comme Goldorak, ben oui, ça va aussi amener une certaine dose de nostalgie pour les grands-enfants que sont les parents. Mais c'est sûr que c'est une drôle d'ambiance pour pouvoir faire une critique de Crowd. Remention Ninja Turtles, ils étaient quand même cute. Ils ont invité les gens, les enfants, à danser. Au lieu de donner des high fives, ils donnaient des petits bisous. Ben oui, des fois, tu sais, c'est pas nécessairement clair pour un petit bambin. Genre, qu'est-ce qu'il veut faire avec ma main? Fait que donner des petits bisous à la place, c'était plus efficace que des high fives. Je trouvais que c'était comme une belle réinvention de la chose. Et peut-être que vous pourrez m'en parler, Crowd. Parce que justement, je viens de dire, j'ai pas d'enfant. Mais il y a clairement un retour populaire chez les enfants des Ninja Turtles. Pas que les gens étaient fous, genre, après les Ninja Turtles mascottes qui étaient présentes pour l'événement. Mais j'ai vu comme des t-shirts Ninja Turtles. Il y avait une petite fille. C'était vraiment celle la plus dadon pour la situation parce qu'elle avait comme un coat de jeans très punk. Mais sa patch était les Ninja Turtles. Hey, c'était-tu pas beau? C'était-tu pas parfait? Ah! En tout cas, moi, je trouvais que c'était parfait. Sur ce, ben écoute, avec tout plein d'enfants, ben c'est le temps d'écouter les Connies avec Petit Enfant sur les ondes de CISM. Ah, as-tu retrouvé ton cœur d'enfant durant les Connies? Bien, vous avez entendu Petit enfant avec Critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et il faisait tellement beau durant le Puzza Bambino que je sais pas à quel point je regarde beaucoup, je prévois beaucoup avec la météo, mais moi, il pleuvait durant The Creep Show puis durant Real Big Fish. Puis, il y a des gens qui m'ont demandé, y avait-tu moins de monde? Ou, il me semble qu'il y avait moins de monde. Puis, à avoir été en avant de la scène pour les deux spectacles, j'ai vraiment pas l'impression que ça y a une si grosse incidence. Oui, sur le nombre de personnes dans la crowd, mais pour l'ambiance, non. Vraiment, les gens, ils avaient envie de s'amuser, puis ils se donnaient. Des fois, je me dis, tu sais, quand t'as des fans, tu sais, qui vont rester, peu importe là, les intempéries qui pourraient arriver, qu'ils fassent déluge, est-ce que ça intensifie ton énergie? Est-ce que tu es comme une fleur qui est rafraîchie par la pluie? T'es comme, je suis revigorée, je vais poursuivre ce mosh pit. Je pourrais pas dire, parce qu'en même temps, pas tout le monde s'énerve, sauf à Real Big Fish, là, le trash est tellement immense. Mais pour moi, je sais pas. C'est pas un truc comme la quantité de la qualité, mais même s'il y a plu, ça donnait des très bons shows, puis il y avait du monde, puis je trouve que c'était bien parfait. Oui, encore une fois, bien parfait. Il faut dire que The Creepshow, si vous ne les avez jamais vus en spectacle, je pense justement à leur prestation durant 77 Montréal. Je suis certaine qu'ils ont conquis plein de spectateurs parce que Kendall, la chanteuse, elle se démène, mais elle n'est pas non plus comme hyperactive. Elle va juste danser sur scène. Elle alterne beaucoup entre la guitare et le chant. Puis, elle aime ça se promener dans la foule. Et quand elle a dit la première fois, « attendez, tu sais, je vais vous rejoindre dans la foule. » Moi, tu sais, je pensais que c'était la fin du set où elle nous rejoignait comme pour The Real Big Fish. Moi, je pensais que c'était pas drette là. Fait que là, quand elle s'est enlignée par la clôture puis qu'elle est allée rejoindre le mosh pit pour aller pousser, j'étais comme, « OK, quand même. » Mais elle l'avait fait justement à 77 de rejoindre la foule, mais plus vers la fin. Faut dire qu'elle va faire deux bains de foule durant toute la prestation. Fait que, je pense qu'elle avait envie de se promener. Bain de foule est peut-être aussi un jeu de mots pour prendre bain pour pluie, vu qu'il mouillait. Peu importe, mais oui, elle se promène beaucoup parce qu'elle était pas juste dans le mosh pit, elle s'est comme promenée un peu partout. Là, je l'ai rapidement perdu de vue. Justement, le trash, on est dans quelque chose d'un peu plus trash, dance, ska. Vraiment, la technique est variée. Des fois, c'est quand même plus petit, un peu de tapon là, avec un point central, puis il y a des trashers qui vont être un peu en orbite autour de l'action, mais avec de l'espace vide. Là, vraiment dans le trash. Fait qu'on peut pas dire qu'il y a énormément de participants pour The Creep Show, mais quand même, il y a eu des vagues où il peut y avoir plus de gens, dépendamment les chansons. C'est toujours drôle, même. Drôle quand tu pousses des ponchos en plastique ou des sacs de vidange et je me dis, ben voilà, trash. Des fois, je savais plus comment l'écrire avec ou sans H, mais trash en vidange et pousser des vidanges. Je crois que là, on vient trouver le point culminant de trasher. Mais oui, quand il y avait moins de participants avec la pluie, la seule chose... Moi, j'étais certaine que ça allait être plus dangereux. Je te dirais qu'avec Real Big Fish, j'ai pas eu cette impression-là. Par contre, audiblement, c'était plus senti durant The Creep Show parce qu'on entendait plein de chouic, chouic, chouic, chouic, des souliers, étant donné qu'ils sont moins nombreux, peut-être qu'on se déplace un peu plus, les mouvements sont un peu moins, j'allais dire statiques, là, parce qu'avec Real Big Fish, oui, je fais beaucoup de comparaisons. Là, il succédait durant la soirée. Mais des fois, ça peut être facile de rester sur place puis être quand même complètement dans l'action. D'où le fait peut-être, mais aussi la musique puis qu'il y a plus de monde qui participe fait qu'on entend un peu moins le bruit. Mais reste que ça m'a fait bien sourire. Autre moment crowdien avec The Creep Show, ça m'a fait quand même... Mais oui, justement, je ris. Mais oui, ça m'a fait rire. Parce qu'à un moment donné, le guitariste, visiblement, il avait besoin de nicotine. Puis là, il voit un gars en avant qui fume une smoke. Fait qu'il en a demandé une. Bon, ça fait toujours bave. Ouais, justement, en proximité avec le public. Ça fait camarade. Mais il a quand même fallu, parce qu'il y a une clôture, tu sais, on est à scène extérieure. Il a fallu qu'il demande au gars de la sécurité de lui donner la cigarette. Puis le gars était vraiment relax parce qu'en premier, il prend 2-3 puffs. Puis il la laisse dans les doigts du gars de la sécurité. Oh oui, là. il lui rendait complètement service. Puis après ça, il l'a pris dans ses mains et il a... Bon, c'est ça aussi qu'il était occupé à jouer de la guitare, vous me direz, là, mais il aurait pu la pincer de son petit bec comme ça et pouvoir continuer à fumer, tout simplement. Mais ouais, ça a été un drôle de moment. Puis il y a des petits moments comme ça. Je sais pas à quel point toute la foule s'en rendait compte. Oui, c'est sur scène, puis c'était comme... Il était tout en avant, mais avec le trash, avec, je sais pas, l'autre interaction, avec la chanteuse qui est allée monter sur l'ampli, elle le fait tout le temps, fait que... C'est pour ça que je dis, elle est pas hyperactive, mais elle bouge, puis elle va faire des mouvements qui sont pas, tu sais, qui sont un peu moins traditionnels que simplement rester sur scène. Et justement, elle a terminé le spectacle en retournant dans la foule, et en même temps, il y avait un enfant sûrement sur les épaules de son parent parce qu'elle l'a pris. Puis elle l'a pris comme un sac de patates, par exemple. C'est, voyons qu'est-ce qu'elle fait avec l'enfant. Mais elle l'a déposé sur scène. Comme ça, il a pu regarder le spectacle de l'autre côté. Mais encore une fois, je sais pas à quel point le reste des spectateurs l'ont remarqué parce que c'était pas mis en valeur. T'sais, ça n'a pas été verbalisé par le Ben comme « Oh, regardez l'enfant! » Comme non, il faisait juste être assis puis regarder le show. Puis après ça, elle l'a repris puis elle l'a redonné à son parent. Ça... c'est quand même un drôle de moment. Puis je trouve ça... Ouais, je trouve ça cute. C'est inattendu, c'est spontané. Ah, allons-y plus... Ouais, un peu plus en détail maintenant pour Red Big Fish, où la pluie va, ouais, quand même s'accentuer, là. On aura eu des moments où il y avait des bonnes flopées de pluie pour bien nous... pour bien nous mouillasser. Ça commence toujours bien en beauté, Real Big Fish là, qui rentre avec une belle lignée drette sur une toune, ouais, comme au soccer. Oh, oui. Et pas par le public, là, vraiment enregistré. Et il se balance ainsi. Alors, les cuivres qui vont de gauche à droite, c'est bien cute. Et l'ambiance va partir assez vite. Je crois qu'aller voir Real Big Fish aujourd'hui, ça doit être impossible de voir un show plate ou un show qui lève pas. Les fans sont fans, connaissent les paroles par cœur. Vraiment, il y a une grosse ambiance. Deux fois, on a fait body surfer une personne en chaise roulante. Oh, la première fois, c'était quand même plus compliqué. La deuxième fois, je trouve que ça avait été plus efficace. Quoique, le gars, il s'est ramassé comme la tête à l'envers. Heureusement, il était bien attaché. Sinon, ça aurait été... ça aurait viré entre... Ah, comme quel beau moment! Oh, mon Dieu, c'est bien malheureux. Fait que... on a évité des accidents, et pour le mieux. Mais le trash, comme j'ai dit, pas qu'on bouge pas beaucoup. Puis il y en a des skankers. Tu sais, comme... Oui, ça va dans le ska, mais t'auras pas comme une piste de danse où tu vas avoir des grands mouvements de jambes pis de bras, où tu vas vraiment te donner dans ta danse. On est vraiment un mélange trash ska où tu pourrais te laisser aller dans le flow de la foule. Ça a été aussi le cas durant Anti Flag la veille. Il y a tellement de monde qui participe et il y a... Ouais, c'est vraiment comme un... Des fois, oui, c'est comme un raz-de-marée, mais des fois, c'est juste les eaux sont troubles. Fait que des fois, tu pognes un élan, un mouvement, tu sais pas trop de où il sort, puis tu le poursuis. Tu fais juste, ouais, suivre le flow, puis c'est là où que je trouve que c'est agréable. Tu peux te promener, puis tu te sens pas... tu te sens dans l'action, mais tu te sens pas non plus vulnérable par rapport au coup. C'est rare de se faire mal dans ce type de trash-là. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de... Ouais, optimal, genre, tu y vas, mais en même temps, t'es pas en train de... te donner énormément physiquement. Tu peux, et vraiment. Mais aussi, c'est possible de vivre son trash à différentes énergies. Et ouais, moi, j'aime bien ça. Surf, ouais, j'aurais tenté mon coup. Ça aurait été assez expéditif, mais pour être franche, je voulais tester c'était comment avec un imperméable. Oui, j'étais bien grillée de mon manteau de pluie jaune. Ouais, ça m'a pas fait tant de différence. Non, mais c'est niaiseux, c'est juste comme le fait d'être obligé de retenir du plastique. Tu sais, pousser des gens en chairs ou avec des vêtements ou avec un imperméable, ça n'a pas la même répercussion dans ta poussée, dans tes mouvements. Alors, par contre, pour body surf, je crois que c'est assez similaire. Fait que, voilà. Autrement, je crois qu'on a vécu des bons moments sans que ça fasse un gros impact dans la foule avec, deux parties quand même comico-comiques avec Real Big Fish. Ils font des espèces de reprises en disant, ah oui, c'est notre chanson, notre gros succès des années 90. Une qui aura le plus pogné, c'est quand ils ont refait Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Là, c'était comme la folie, puis quand ils ont arrêté, vu que c'était juste des extraits, les gens étaient déçus, là, c'était oh! Mais autrement, si je me trompe pas, il y avait aussi The Offspring. Vraiment, ils en ont fait comme à 4 reprises et finalement ils ont fait, si je me trompe pas, sell out. Fait que là, oui, encore une fois, ça va vraiment lever parce que ben on l'aime la chanson, mais c'est toujours drôle aussi que les variations, les reprises auraient pu être poursuivies. Je dis variation parce que c'est plus la deuxième partie. Ouais, quand même drôle et participative. Ouais, là, c'est vrai que ça a un véritable impact sur la foule. Alors, ils vont faire une courte séquence, une courte chanson où ils invitent à faire un circle pit, headbanger, faire une danse carrée et musicalement aussi, ça va accompagner. Fait que quand c'est headbang, c'est plus métalleux. Quand c'est la danse carrée, c'était plus western. Oui, ça participait. En même temps, je sais pas, comme le pouvoir, l'amour que les gens ont pour le groupe, si tu participes pas, ceux qui participent, disons, ils n'auraient pas participé à cet événement-là, ça aurait eu l'air un peu étrange, ou même ça m'aurait surpris. Je veux dire, si t'es en train de crasher toute ta soirée, il me semble que t'es aussi prompt à vouloir comme participer à ce qu'ils te demandent. T'sais. On peut juste coller un circle pit pour coller un circle pit. Il y avait un enrobage. C'était intéressant aussi de la façon que c'était présenté, c'était drôle. Fait que pour ces deux moments-là, vraiment, je trouve que on pouvait vivre quelque chose de plus que simplement les chansons, parce que ça, il y aurait eu un trip en soi, mais là, ça rajoute un plus à leur spectacle. J'entends même quelqu'un dans la foule qui avait dit « Ah, tu sais, ils sont ben niaiseux, tu sais, de faire semblant que c'est leur vraie chanson, puis c'est des reprises. » Il a dit « Ils sont ben niaiseux, ils ont fait un terme désobligeant, mais par la suite, il a tout de suite dit « Ah, je les aime! » Fait que je crois que les gens aussi sont sur la même longueur d'onde, puis apprécient leur type d'humour. Ah, ben oui, on s'en va en écouter Real Big Fish sur les ondes de CISM. Moi, je trouve que c'est une des chansons qui a le plus levé durant le spectacle. On s'en va encore. Beer! So didn't matter anymore. I say she never cared and that she never will. I do it all again. I guess I'll have to wait until then. And if I get drunk, well, I'll pass out on the floor now, baby. You won't bother me no more. And if you're drinking, well, you know that you're my friend, and I'll say, I think I'll. She called me late last night, say she loved me so. But I guess she changed her mind. Well, I should have known it wouldn't be alright. But I can't live without her, so I won't even try. If I get drunk, well, I'll pass out on the floor now, baby. You won't bother me no more. And if you're drinking, well, you know that you're my friend, and I'll say, I think I'll have myself a beer. Someday I'll think of what you say. Maybe next time I'll remember what you do. She looks like heaven. Maybe this is hell. She said she'd do it all again. She promised not to tell. And if I get drunk, well, I'll pass out on the floor now, baby. You won't bother me no more. She said, well, it's okay, boy, 'cause you know we'll be good friends. And I'll say, I think I'll have myself a beer. Bloc punk rock ska avec Ben oui, Rip the Fish sur l'album Turn the Radio Off, mais fais pas ça là, sur les ondes de CISM. Mais oui, alors Rip the Fish avec la chanson Bear, c'était suivi de PL Mafia sur l'album Lendemain de veille, la chanson Repère. Ils étaient en spectacle dimanche au Jardin des Bières et je me souviens encore, PL Mafia, ça doit être une de mes premières critiques de crowd au Petit Campus. Souvenir. Et c'est tout. C'est terminé avec, sur l'album, 8 chansons sans boîte complètement. Ben oui, Two Stone, Two Skank et la chanson Rudy, eux autres y jouaient vendredi, encore une fois, au Jardin des Bières. Et non, je n'ai pas pu les voir parce qu'au nombre de groupes qu'il y a, il faut prendre des décisions. T'écoutes toujours Critique de Crowd et... Aïe, aïe, aïe, j'aime beaucoup Brutal Youth et c'est un beau bloc que j'avais hâte de vous conter parce que Brutal Youth jouait tout de suite après Bar Burner que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est de l'amour par-dessus, du nouvel amour pour moi. Je suis comme, est-ce que c'est Critique de Crowd qui tripait? Je sais pas, dans la foule, j'ai pas eu comme des grands moments marquants, mais question band, ils ont tous les deux des... performance scénique si remarquable que je crois aussi qu'on a simplement envie de regarder. Oui, ça trashait, mais quand même. Brutal Youth, pour ceux qui les connaissent pas, groupe de l'Ontario qui saigne toujours de plus en plus en spectacle. C'est dit. Mais il se donne, le chanteur, il se donne complètement, il fait les choses entièrement. Pour moi, c'est surtout ça que je retiens de sa façon d'être scénique. Des gens partant, ils rentrent sur scène par la foule, fait que déjà, c'était au Fofun électrique, puis le stage est quand même assez haut, fait que petit élan pour pouvoir aller sur scène. Et comme à son habitude, il va essayer de se faire saigner du front en se tapochant le micro avec, ben oui, sur son front, tu sais, pour qu'il saigne de là. Fait que il se tapoche et il peut avoir l'air un peu étrange pour ceux qui les ont jamais vus en spectacle. Fait que moi, c'était pas la première fois que je les voyais en show et que je le voyais saigner, fait que j'étais comme, ah, il est en train de se préparer. Mais ça peut quand même piquer la curiosité pour les... Ouais, c'est ça, ceux qui l'ont jamais vu. Alors, c'est juste avant, je pense, qu'il se met à saigner. Puis c'est là que je trouve intéressant cette opposition. Le chanteur, oui, bah, moi je trouve pas que c'est de l'automutilation, là, comme il est plus en train de donner une performance. Et oui, ça inclut de l'hémoglobine dans son cas. Mais pour la foule, il porte beaucoup attention au bien-être et au respect de chacun. Il y a quelqu'un qui a fait un stage dive, raté. Là, il est monté sur scène, puis vraiment, il est tombé comme une galette au sol. Je ris, mais ce n'est pas drôle, mais il s'est relevé, alors ce n'était pas le cas d'aller à l'hôpital. Mais quand même, c'est drôle, la chanson a arrêté avec un timing de feu, là, parce que la tune s'est terminée, puis il était comme, OK, ça va bien. Fait qu'il a tout de suite intervenu, je crois qu'il aurait intervenu même peut-être durant la chanson, c'était si rapide entre la fin puis quand il a posé la question, puis on a vraiment pris le temps de vérifier qu'elle allait bien aussi, qu'il se relève, puis OK, tout est bon, on continue le spectacle. Je trouve ça intéressant, oui, c'est pour moi, je sais pas à quel point c'est dichotomique, là, mais ce que tu fais à toi, tu veux pas nécessairement l'espérer pour les autres. Et c'est pas parce que, oui, tu te fais mal sur scène en tant qu'artiste, tu veux que les gens se fassent mal dans ta foule. Je trouve ça très beau comme message. Implicite, explicite, il nous parle beaucoup, le chanteur aussi, là, mais dans ses actes, on le sent. Et oui, là, comme t'auras compris, là, il saigne du front. Là. Quand il a réussi à se donner un coup, là, ce n'était pas un ruisseau, c'était un fleuve qui lui coulait du front. Ça coulait jusque sur scène. Et je me demande, c'est quoi que ça a comme répercussion dans la foule et non pas les taches de sang et pas les gouttelettes qui pourraient toujours te tomber dessus. Là, c'était pas ça le point. C'est plutôt moi-même, à quel point j'étais concentrée pour trasher, je le regardais. Puis à deux reprises, il s'est penché et même il a jasé vite avec un autre de ses musiciens. Puis ils ont fait comme, OK, tu sais, ça va. Je sais pas de quoi ils ont jasé. Peut-être qu'ils parlaient qu'on aimerait ça manger des toasts. Là, peut-être que peut-être ça avait zéro rapport. Mais reste que le fait que des fois, il se penche puis il prend son temps. Fait comme, OK, es-tu correct pour pas non plus qu'il dépasse ses propres limites physiques? Je comprends qu'il veuille peut-être les dépasser à des fins artistiques. Mais disons que, étant donné qu'il le fait souvent, et qui est souvent en spectacle, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur son propre bien-être, puis comment dans la foule, tu sais, on peut se sentir des fois, ça nous met peut-être mal à l'aise. Oui, on peut trouver ça fascinant, excitant, épeurant, tu sais, je crois que ça suscite bien des émotions, de là à dire que c'est très clair dans la crowd. Non, ça, clairement pas. Il va y avoir des body surf, il va y avoir du trash, mais de là à dire que ça fait une différence directe entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans la foule, moi, non, on pourrait pas dire. J'ai, par contre, très bien fait de rester pour Bart Burner parce que je ne connaissais pas du tout le groupe. Ils ont existé de 2007 à 2013, groupe montréalais de l'époque de Priestess. Et ouais, comme de fait, on voit des ressemblances dans la sonorité. Moi, je suis complètement passée à côté, mais bon, c'est sûr que là, c'est triste parce que je pourrais pas les revoir souvent en spectacle, étant donné que le groupe n'existe plus. Mais au moins, je suis heureuse d'avoir découvert la musique et pouvoir maintenant en profiter chez nous. Parce que, ouais, c'est fou comment, musicalement, ça te rend comme un train là, qui ne cesse jamais de rouler. Là. J'ai envie de faire comme « il va à 100 000 à l'heure! » Ouais, c'est ça te rentre dedans comme musique, heavy metal. C'est aussi, c'est vrai que ça détonne pour le Puzza Fest. Oui et non, lui, des fois, il y a ouais, « Obey the Brave », à quel point on pourrait dire que c'est juste punk, c'est hardcore, metalcore. Je crois qu'il y a quand même, disons, cette variété-là que offre le festival. Mais quand même, le groupe a dit ah oui pendant que les punks sont en train de fumer. Mais ils vont nous avoir rejoints durant le trash. Non, il va y avoir vraiment des gens pour Bart Burner. Et le début va commencer, je trouve que c'est un très beau portrait de groupe. Le bassiste puis le guitariste entre le chanteur qui est plus groundé sur scène. Mais les deux autres de leur longue chevelure vont la swinguer et la reswinguer. C'était assez joli, merci. Et je sais pas si c'est justement les cheveux, mais le chanteur puis le bassiste était comme, je pense qu'ils se sont peut-être dit quelque chose, mais pendant une fraction de seconde, j'étais comme, mon Dieu, t'es-tu en train de cacher des bisous derrière ses cheveux? Je le pense encore plus maintenant, puisque très rapidement, tu sais, c'est dans la première partie du spectacle, chante, joue de la musique, là, c'est pas mal ça le principe d'un spectacle, mais disons, comme ça, sorti de nulle part, c'était spontané, de chez spontané, le bassiste tend la main, tient le menton du chanteur et lui offre un beau bisou sur la bouche. Mais c'était d'une délicatesse et d'une beauté. Oh, c'était cute! Oh mon Dieu, j'en reviens toujours pas. J'ai pas arrêté d'en parler après le restant du festival. Je devais être fatigante, mais j'ai adoré ce moment-là parce que, justement, c'était spontané, c'était inattendu. Je sais pas à quel point, tu sais, tu clignais des yeux, t'avais manqué le moment, sérieusement. Fait que, mais l'opposition entre la musique et le comportement des musiciens, ça donnait vraiment un plus, puis on pouvait pas s'y attendre, puis ils l'ont pas appuyé, encore une fois, dans leurs propos. Ça aurait pu, je sais pas moi, ça aurait pu être politique, ça aurait pu être aimez-vous les uns les autres, nous on s'aime blablabla au French, tu sais, tout est possible. Tandis que là, c'était juste comme une espèce de plus au spectacle, sans que ça soit justifié, expliqué. On n'avait pas à comprendre, on avait juste à y assister, puisqu'il faisait sur scène, ce n'était pas caché, sauf peut-être la première fois entre les cheveux, là, mais ça, c'est du mystère et c'est bien joli, le mystère. Mais pour moi, ça a comme donné wow, toute une dérape au spectacle. J'étais comme wow, ils se donnent des bisous, c'est bien cute! Des métalleux qui se donnent des becs sur scène, c'est trop adorable! Que pour moi, ça a vraiment donné un aura au show complètement, parce qu'il va le refaire à d'autres moments aussi. Le chanteur qui est allé déposer, oh, délicatement, comme un petit tourtereau, brou, brou, brou, sa tête collée au juché sur l'épaule, comme un petit nid d'épaule sur l'épaule, ben oui, du guitariste. Ah, mais là, encore une fois, j'étais comme, ah, mais là, ils sont trop adorables, ces garçons, sont trop adorables. Fait que j'étais comme ça, je crois que j'ai plus regardé la scène pour manquer aucun moment de tendresse spontanée, là. C'était beaucoup, beaucoup trop beau. Mais il va y avoir quand même plusieurs body surf que j'ai trouvé variés dans la foule. Il y avait un body surf, qui était comme un boulet. Oui, ça ramassait tout. On dirait que c'était body surfing trash, là, dans une certaine manière. À quel point tu le contrôles quand t'es sur le dessus, je pourrais pas dire, mais c'était intéressant comme technique. Il y avait un body surf très hollywoodien aussi, justement, là, tu sais, façon boulet, dans le fond. Ouais! Dans le fond, c'est peut-être juste parce que les gens ont un certain déséquilibre qui fait qu'ils foncent sur le monde. J'espère en revoir plus souvent pour pouvoir mieux vous le détailler, chers auditeurs de la marge. Par contre, il y en avait un autre, il était comme... Il était très détendu. J'ai marqué que c'était un body surf lazy boy, mais surtout parce qu'il était comme assis. Il était assis dans son body surf. Pourquoi pas? Mais il me semble que c'est plus dur de te soutenir que, ouais, en planche. Il me semble que la répartition du poids peut être quand même plus efficace, tandis que là, tu mets tout en creux, ton poids, il est plus bas. Enfin, ça aurait duré un petit moment et ça aurait été un beau body surf à regarder. Une belle finale aussi pour Barnburner. Alors, à la fin, le guitariste puis le bassiste, ils vont descendre au parterre pour pouvoir jouer avec la foule qui va l'entourer pendant que le chanteur, il reste sur scène. Bon, c'est pas comme si c'était jamais vu, mais c'est toujours intéressant comme moment avec la foule, se donner quelque chose de... Ouais, une plus grande proximité. Ouais, un petit peu... C'était un peu survolté. Ça pétillait d'une petite énergie pour cette conclusion, et ça aussi peut-être regrouper les Thrashers qui étaient plutôt espacés durant tout le long du spectacle, parce qu'il y avait de l'espace aussi comme terrain de jeu au foufoune électrique. Et je ris parce que je ris de moi. Je ris de moi parce que des fois, je me dis, est-ce qu'on devrait témoigner de nos appréciations de spectacle? Parce que c'est la façon de le témoigner. Ouais, peut-être que vous doutez. Je suis allée voir les bons musiciens qui se donnaient des bisous. OK, juste le bassiste, parce qu'il était comme ça. Je m'en allais des foufounes électriques avec mon beau manteau de pluie jaune. J'avais l'air d'un enfant de 4 ans. Puis je vais le voir, puis j'ai pas pu me retenir. J'ai dit, oh mon Dieu, t'es la chose la plus belle que j'ai vue en spectacle. Et c'est au moment qu'il m'a dit, ouais, comme... Ça devait être un peu étrange de faire dire t'es l'affaire la plus cute en spectacle pendant que tu joues du heavy metal. Puis là, j'ai dit, ah oui, mais parce que vous étiez si attendrissant ensemble, vous étiez beau à voir, on avait envie de vous aimer encore plus. Et là, il a ri. Et je comprends les gens qui répondent par un rire, parce que je le fais constamment à la radio et je le fais aussi dans la vie. Tu sais, quand t'as des moments inattendus et que la meilleure réaction, c'est de rire, je suis comme, ah oui, je te comprends, garçon. Puis il m'a fait un câlin. Alors l'amour s'est continué encore et encore, et j'en aurai encore et encore à donner à Barnburner. On continue en musique en écoutant pas Brutal Youth puis Barnburner, que je vous conseille très fortement de découvrir. Je sais pas pourquoi je vous en ai pas mis. Je m'en veux. Non, la vraie raison, c'est que je voulais faire la thématique en parlant autant de bisous. Je me devais de parler et de jouer des bisous de Catherine. On est là pour quoi? On est là pour qui? Dans les magasins, dis fuck. Je te défonce la gueule tout en insultant les papas, les mamans. Au fond, qu'est-ce qu'on veut? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on se dit fuck, mais qu'est-ce qu'on attend? Des bisous en général et très globalement. En définitive, mais qu'est-ce qu'on attend pour se faire des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. Des bisous de Catherine et je me disais, parce que je me parle à moi-même hors d'onde en écoutant les chansons, et il me semble qu'avec toutes ces réflexions qu'on a sur la sécurité à avoir dans la crowd et bien sentir, et des fois il y a même eu la réflexion d'interdire le trash, et je me dis non, c'est pas parce que la danse est violente qu'il faut la pénaliser, il faut que ça soit inclusif pour que tout le monde, peu importe sa force, puisse y être. Mais surtout, si on y incluait plus d'amour, plus de bisous, que ce soit sur scène ou dans la foule, peut-être aussi que ça ferait la différence. OK, peut-être pas des becs toute sa bouche, là, parce que encore une fois, il y en a peut-être que ça pourrait les gêner. Mais oui, c'est un mélange tout à fait possible, rudesse et tendresse. Ce sera comme ça que je vais terminer l'émission de Critique de Crowd spéciale Pouzza Fest, parce que je vois le temps filer. Et je vous réserve pour une émission, un beau spécial tout ski, à un moment donné cet été, bien clairement, pour vous jaser de Obey the Brave rapidement, mais Colin de Obey the Brave toy, mais aussi de Cancer Bats. Sur ça, on va aller en écouter du Obey the Brave, et surtout, je te remercie Crowd, tu es la meilleure que je connais, la plus gentille, je t'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour toute question, suggestion, ce que tu as envie d'écrire ou de mettre en émoticône, Facebook et tous les autres réseaux sociaux de ce monde sont pas pire efficaces. Sur ce, Obey the Brave, Critique de Crowd, dès la semaine prochaine. Bye bye! édition, du 25 mai au 3 juin, le OFTEA, Festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de 10 jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur la 12e édition et découvrir la passe Roche, visitez-nous sur Facebook ou sur oftea.com. Une des plus grandes stars du hip-hop est de retour sur scène. La tournée K.O.D. vendredi le 5 octobre au Centre Bell. Avec invité spécial, Young Thug. J'ai cool. Billets en vente dès maintenant. Appelez au 1-855-310-2525 ou sur eventco.ca. Nouvelle album, K.O.D. disponible partout. Nouveauté chez Slam Disc. Frank Custo, le chanteur des connards à la rampe. Oh Robert motivé. Frank Custo sort son premier album solo, Départ doux. De mauvais choix, de vraiment calamité car. Ça parle de bière, de mort, d'amour et de punk rock. Ça doit faire chier être mort. Édition Vénèle Jaune, en magasin en ligne, disponible maintenant. Cette année, le Festival BD de Montréal célèbre les métiers de la BD du 25 au 27 mai à l'espace La Fontaine. Retrouvez les auteurs, BDistes et éditeurs d'ici et d'ailleurs pour des animations, ateliers, conférences et discussions pour tous. Détails du programme sur le site du FBDM. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. La troisième année d'école débute pour Harry qui doit affronter un nouvel ennemi. Le mal court, il n'est pas loin dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en concert. Laissez-vous ensorceler par la trame sonore inoubliable de John Williams jouée en direct par un orchestre symphonique alors que le film sera projeté sur écran géant. Un événement concert magique à ne pas manquer. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en concert le 1er et 2 juin. Mis en vente sur placedesarts.com. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Convention de tatouage avec plus de 120 artistes d'ici et d'ailleurs. Les 25, 26 et 27 mai au Salon Richmond de Griffintown à Montréal. Programmation musicale variée avec Super Soccer, Indian Handcraft et Greg l'Araignée. Compétition de tatou, expo d'art, skate et beaucoup plus. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Célébrez l'été à la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal. Sur scène, l'auteur, compositeur et multi-instrumentiste montréalais Geoffroy. Bonobo et Saint-Germain nous offrent une soirée sous le signe de l'Electro World. L'incontournable chanteuse néo-zélandaise Kimbra, puis Corey Henry and the Funk Apostles revient avec leur premier opus, Chapter 1, The Art of Love. Billets en vente maintenant au montrealjazzfest.com. Présenté par TD en collaboration avec Rio Tinto, en association avec La Presse Plus et CISM.